Non, ma batterie est pas carrée, merde. Pas carré ma batterie. Ah ouais, attends, j'ai fait une bêtise. Ma batterie qui est pas carrée du tout. Attends, je mets un rythme, mais. Bon, ben, il y a Denis à la batterie. Il y a un batteur. Il y a Denis qui fait la batterie. Oh, Denis. Je suis pas carré du tout.